Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandine au Royaume-Uni, topé aux Alandekona Londres, Pesa et Sango, y a agence de fret, y a ba professionnel, y a Ngoyo. Avec des diplômes universitaires au Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouboubou, numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda, en Angleterre, pour na cause de l'eau, pour na Kinshasa. Colline à eux à l'Olingé Nyonso. Olingi Osinda Nini, Moutouka, vélo, carton, biloko ya kolia, topé biloko ya ndaku mubimba. Kafret, au Tindi Milishi et comme il peut m'améli. Yo Osana non, topé na Sidi Angleterre, ben rapisso na ba numéro Oyo. Kafrek, et en Angleterre, si na école. Kafrek, et ça la café fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrek.com. Bande Konanga Inyonso, Kadiombo TV ezali Tour de Garde. Mon salaire à tour de garde na ba société ya kala ezalaki bato yo bambolombolo ba ko placer likolo ba mona ka danger tango zo ko uta musika pour signaler bato baza na kati ya lupango ke bobongama na moni bangura baza koya biso toza tour de garde pona kote nyonso toza ba tour de garde lelo intitulé émission na biso to komi yango attention na ba infiltré. Les cambo tozolo bala ba infiltré spécialement tolingi tolo ba makambo etali UDPS oyo akanga ki ba infiltré kuna na permanence batu ba ya en civil bilongi lokola batu moko ba yebe lokote bakota ki po bakota kuna na lupango seke ba étudia ki UDPS permanence na nyonso ke azali na batu ebele ba yaka bakota ka ba bimaka. Sécurité zala ki moi na distraction mouke balobi to kota to opéré il faut boye basiko tango bayaki armé po basala nini balandaki nani po basili saye ndokola bokangi bango il faut boye ba nani arma ki bango baya tango bayaki bayaki koboma permanence to bato permanence to balandaki mutu moko songolo kuna na kati pasila na naye là c'est très important. Émission ya lelo oyo tolingi kaka ko signaler bato ya UDPS que parce que zanga na mikwanya bato ya UDPS boye ba eloko lobby bozala ki ba combattant. Vous étiez en train de combattre la dictature féroce qui a été instaurée. Aujourd'hui vous serez combattu parce que vous avez l'impérium et le pouvoir. Ce n'est pas pour rien que bakangi motema na kote mususu babenga kande ko madidi président élu malgré que bana preveté et le côté la kisaka gagnant et puis pona ko la kisaka muto ya gagnant solo koko mona ba manifestation zo sala batu bayaka ebele pour montrer que vraiment il méritait mais batu bakangi motema parce que le diable prépare toujours les gens maintenant pour vous combattre. N'en soyez pas étonné. Tala motema makasi andeko oyo madidi. Batutu balongo tina matungula kei me ya kangi motema. Kifuati kala na ndenge wana. Mena sese asenga kamusala. Me population foye baki azaya yanke. Musala wa za kosenga po aya. Ah président Félix merci beaucoup ndengo tindi lokola za député salango kuna parce que ce qui a permettre à Fayulu ko pousser la pembeni ça sera un infiltré ndenge moko na bato bokangaki. Il ne viendra pas travailler, il viendra chercher à se venger en faisant tomber le bateau ce qui est chaviré et sengone ko za wana. Parce que talan nous marche à zaïko préparer batunaye babonga makake babuka basot mouton et kweya. Donc moutou et loko eko sali sa population et basako supposé que evota ki ye a kase yango ekufa parce que aini moninga mais asenga ba travailler na ye c'est pour l'achever waze kwa loba soko muntu aboya ki yo ye moko mais omone abandiko zonga lisu se ka bosana ki eloko aye po na réconciliation te aye po alingio te abosana ki eloko azo ya sikwa récupérer loko wana bande konanga li solo yango yo na lingi batayi de pese ba se rapere ya isoral ezala ki plateforme politique ba salaka na periode wana nde periode papa feu Etienne Tshisekedi aza ko sala succès na ye après ba meeting ya ponga kabi succès wana bande ko continuer na ba IDPS batu bakendaka moko moko batika ye après étape ya isoral bakenda batika ye tango bakeyi bazongi na impère na bengaka bango ba infiltré bazongi papa Tshisekedi atikala ye moko ndasali IDPS ozo mona na moma wana bosara pele Isoral et Salamaki batindaka infiltré moko na kombo ya Nguz Akar Libond. Ayaki asali lokola za baswani na Mobutu, ayaza opposant. Mais lokola papa Etienne alobaka attention na fête ya bato ya mabandi. Bakokota fête ebele. Mais lokola fête ko umbela suki banda kobota tokoyeba ke mutu azaboye ekomaki na banona nde nguza Karli Bonda lakisaki couleur na ye boyebaka lisolo nyonso akomaka premier ministre azongaka epa Mobutu esika uta ezalaka na katikati ndenge bazalaki me bazonge esika bautaki bon se rappeler si qu'on a l'histoire ya Rasop. Batu ba yaki ba nyonso na Rasop. Baba zayi baba zalaki, baba bala bazalaki. Ba kamere ba kotaki. Ba fayulu bazalaki, ba muzitu bazalaki. Batu nyonso bazalaki na eloko oyo ya sensa tango kokaki batu bakendeki na ba oyo batinda kite ba s'infiltré me ba mikendeleki bango moko bachibala ba olenga nkoyi bakendeki parce que zalaki batu ba preparaka bango chibala te olenga ba preparaki bango kaka na oyo bango bazaki kotelemela akoti momatango kokaki abimaki akomi pembeni lelo aza ko se rattraper moi je ne fais pas confiance na baswahili balobi kuria kuwiri et donc pona nini na lingi UDP sa se rappeler na periode oyo ya Rasop c'est pour dire que les gens qui ont combattu papa Étienne Tshisekedi ne peuvent pas être des amis de Félix Tshisekedi, c'est faux. C'est impossible. Oh, il n'a papa ou linga banana, et non, on va dire bon. Muntu ko sala likabwa boza kaka mama ou ya boti bana. Akoko divorcé na mobali. Akotika la toujours ko linga bana. Mais muntu ya quartier ou ya ina papa, ali linga bana faux. Yangoyo na zolo ba na tangi na ba biloko ebele ba uti ko poste omoni sikoyo makamoyo zo kufa ko aliso ba sala ki zo kufa bati excusez-moi bati le kwebo alongwe na ba 144 na ye so ki 145 tout ça na le bien vous criez pourquoi so bati alongwe o ake kashi mais cache FCC nde bazana coalition non akay paite akay paite babo elie koma kozala président ya Sénat, mais changer le côté akotika la kaka na même alliance akotika la kaka na même coalition. Donc loko est changé te pour moi ils ont événement te makambo ya bahati, mais ça loko il faut pisa biso mayele ya que attention to kanisa rasop babimisa kanguza neti baswana na mobutu po apusa na pembeni ya papa Etienne Tshisekedi. Qui dit que Bahati va soigner réellement na Kabila? Qui dit que Bahati FCC a bengani ya solo? Si ce n'est pas une manière, ya yeko ya azale sko a mis trop na Félix aye ba plan yons pour que pour ça na bango eko kisama. Parce que Félix a rendre bango vie difficile par rapport à qui ne besoin comprendre. Pour ba koka kozwa premier ministre Ilunkamba ba pesa ki ba kombe tina 20e non. Kabila a compris que l'adversaire n'est pas facile. Par rapport à Bilobela ba tubazolo ba loboye. Nawo ya ba ministre Sikawa a sayibisi bango que poste moko a ministre 3 personnes nga na kopona. Makambo Kabila senga ka ba tu et yeliye lelo. Fati n'est pas facile comme vous l'imaginez. Boye ba ke pembeni na yeza na mvidye chi manga ba lobi ya za charge ya strategi ya politique ya Fati. Il souffle toujours quelque chose. Yango bango ba za FCC nda za bloke eza kachite. Koutou kachite eza Félix te. Donc nga na zoko kanisa siko na lobi. Ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo. Bande konanga nyonso bo zakuna na Europe. To loba ki to premeta ki to kokoma na place pe to komi. Nous sommes sérieux nenge moko agence ya fret ka Frex ezali sérieuse. Momoni ndenge baza ko bimisa ba biloko oyo batinda ki na fret na bango. Awa tozali na matonge. Na matonge ya otozali na avenue Buburu numéro 9. Soki otinde loko komaka yango ese komi. Donc batu biloko na bango basako yako retire. Faites confiance à Kafrex. Comme mindele lo baka vous ne serez pas déçus. Faites confiance à Kadjombo TV parce que vous aurez des bonnes informations et des vraies. Tozali awa yango wana biloko eza ebele kutu na kati tozangi place, ce qui fait que tokozala obligé que Kafrex mikoloko ya liboso akopesa adresse mosusu ya sika na méthode de travail ya sika. Mandeko na ngai awa savon batindi batinda kina fromage baotinda na ma ya komela. Parce que bah ça confiance avec Kafrex, mingi ba doutaka oh natinda mai na ibite nenge ko komela ba famille nangai. Mais awa ekomaka très bien et les gens utilisent très bien et les gens sont dans au moni savon yangwana eye lelo oyo na famille ba tunyonso ba ko sukola bilamba tang ba za ko tandango na singa ba ko benga kuna na Royaume-Uni pour dire to sukola bilamba savon ekomaki. Encore les gens de l'autre côté parlent l'anglais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Makambunayo, salé maki déjà aussi retiré biloko nayo. Ngana sina retiré mais nayo ko zwa pe carton moko. Oh, eza 4e fois na zwa. O sala réclamation ta mokote. Moko te ya kana ngo normal ba zwa ke loko te nini te. En tout cas to se pe l'agence au makasi eza kitoko. Malgré eza côté boye ko bata ma main to zwa ka eza mbongo ba utai ko tindela pe mbongo pe na jipe normal. Merci Mingi Mama. Vous voyez une précision. Kafrex ezana commune Muke na Gombete ndenga batuba meseni mes clients pamba. C'est lié à quoi? À la confiance. Donc ce que vous envoyez arrive toujours à bon port. Vous êtes servi et tout marche très bien. Mais il y a une précision. Je n'ai jamais vu ça dans une agence depuis que je fais des tours. Une cliente qui se repose, un soleil ardent, comme nous sommes sous le tropique, on commence à servir à ta sucré, à Zomela, en attendant na stocko eze belé na kati ba mimisele koli na ye. Kafrex, pardon. Visitez notre site web na www.kafrex.com. Pourquoi je n'ai pas confiance à Kebati Azala même parmi les favoris à Félix Tshisekedi? Voici ce que j'analyse. Munubo ya Lamuka Azala qui soutenu par Bati ya FCC na kamere ya cash. C'est-à-dire région mutwe sala ki musala place wana. Qui vous dit que Bahati en s'approchant na cash objectif inaye ezali koya ko renforcer kamere oyo déjà parti politique naye sala ka slogan 2023 kamere président de la République. Parce que ba sala ki alliance pour Juvenal et pour Mouloubou Atelema. Ce qui n'était pas possible à faire. Nous nous posons des questions. Et puis, dans la minute où tu es là, tu as dit que tu as une caméra toujours dans les solos et dans les micros. Je ne vois pas Bahati kokangamana Félix mais bakangami nanu na kamere. Est-ce que ce n'est pas que baboutiquer nanu tango bakosilisa bakomi sur ya makamu bongo apusana pembeni ya mokonzi tango kopusana nyonso bakosolola ekokota kingakati wana nazo analyser nazo réfléchir nous pe bo réfléchir parce que tamu la yoyo Bahati lukwe bwa sali na Joseph Kabila tout en étant son ministre de l'économie. Je ne vois pas qui me sente ya Bahati ou ya koya pembeni ya qui me sente ya Félix. Parce que toute l'économie où il y a ça qui co-dirige, ils ont dengue nini, atikaka ont dengue nini. Botele mele kaka ntambwe mamba. Pour dengue ça qui rebelle, abomaki bato na avion. C'est vrai, mukubo anga na solo akana très bien, mais ce que azolo bana TV alobaka na orgueil belé ma casse. Je me dis ce qui a comme président Sénat a commandé le bandenge moko bia ko changer, je ne sais pas. Mais au moins bobosani Bahati ntambwe mamba boyebi quand même que non azamabe asala ka boyena boy mais Bahati a koki kozala un ange gentil pour rien. Ngai en voyant ce qu'il y a ici, je doute. Parce que politique, oui, bah, ça contre Etienne Tshisekedi, balingi bah, ça l'angoué pas Félix Tshisekedi, batouana bah, ça la yendenge moko. Parce que Mobutu, a comment qui n'a niveau, n'a quoi, moi, qu'a comment, maman ou Yolande, a comment, moi, si angouze. N'a n'a eba qui, moi, si angouze, à l'oubumbashi, à botan, a eba, mi balé, n'a eba, si. Mais à comment dans mon équipe l'andou va placer qui wana ouvine et zala qui stratégie. On peut faire de la même manière ici va créer trouble à l'okuta que Bahati a longué le corps à sa bâte et belé, balobi a longué, ce qui a eu na cash, ce qui a longué te, parce que coalition tikalika kayango moko, c'est que c'est une fausse affaire. Boke banaba infiltré, c'est très important. Boke banaba infiltré, c'est vraiment super important. Botala autour de vous, qui est venu dans la vie de Félix Tshisekedi pour faire quoi? Et il le fait comment? Naebisaka, batu période dans la barbio, ba enseignant sa IDPS vaya bazonga, bafa na place mongo na beki kozongi sate, ba kendeki, botikara na mbote mbote sili, mutuna vie naye, sala na ba oyoza na bango. Vous n'êtes pas en carence. Le problème est ça qu'on redynamise parti politique. boluka ba place tout bo redynamiser bo zonga na ndenge sengeli bo étouffer machine oyo bozana ngote ya force du comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais pas, la force babenga ngona IDPS na bosani kombwana oyo za baza kosala na ba fisu mukoko et tout le reste. Je dis merci à Félix Tshisekedi nengo pesa ki voiture na fisu mukoko po azala mobile akenda kan information bien akende kolukango avec facilité olaze la moto sa la boing ezala kande ndenge wana chef azala kande ngwana. Cela veut dire ko tala ka de près oyeba ka basusi na ye. Félicitations, c'est comme ça ko tala ka batu ndenge wana, c'est très bien. Félicitations akabuya akabundu ndenge bosala ki attention. Je crois boy bisaki mokonzi batala mwana oyo batadie basali parce que bazali par moment ba avant-garde et par un autre des arrière-gardes. Félicitations na yoka son na musala zo sala. Merci beaucoup. J'aime les gens qui sont comme ça, ba tenemi baza ko sala. Que bato oyo ba fandi bazo zela na moment oyo biloko ebeli ba eko bima. Oh frère en Christ po ba fanda bali a te. Confirmez-vous, battez-vous. Félicitations à évêque Mukuna, Azolo Bango clairement. Et avait dit même est-ce que ba pese ba ministère le calien ya ke ndekozu ye tangu kabila zalaki na mukonji na ngwa kabulaki na nani te akukabula te ya yo kabulaki na muntu kumia turu ya muninga lukabula kukabula te. Voilà muntu a prendre position aza clair. Les gens comme ça, j'aime. Félicitations à Batou Neti Bakambila, ba Papi Tamba, Batikala, na autorité, na bango, balobi, ata koufi, te koufa ensemble, attendenge bosko, tangada, tangi kombo na ye, bango pe balobi, ke soye, ke se pays tokolanda ye, so baboy koko tokota na boloko, biso tokolala, ta na ba place mousousu na Hollande, voilà bolingo a solo yango wana. Alors, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Batunyonso. Na sala ki ba émission ya Chiluba na Swahili po to s'habituer kana makambo ebele lokola RTNC ya sala ka nenenge na linga ki pena sala pena ko continuer ko sala e poser bino problème te. Bamso ba komo ko koma ça tribalisme. Vous appelez comment tribalisme pays ezana quatre langues. Sobre vika lang songolo yo silikita na orba lingala pona ni za tribalisme te. Ba mususu ba bandio alo baka kaza muluba te awa sulu ba siko Swahili zanini. Siko ngana lo baki Swahili. Chiluba zanini. Na lo baki Chiluba na lo baki Swahili pesi nga tribini. Je suis congolais. Botika ba légèreté a pamba. Biloko ezanga tina. On n'a pas besoin de ça. Biso tozo bunda pona mboka na biso to telema. Le tribalisme ne nous amène nulle part. Et c'est la kisi ba elema nango. Que je t'embolate. Pour na bande kounyon sa katanga, vous allez à l'aise. Papa qui va commencer, va travailler. Fabien va travailler. Le conde king va ko sala musala. Ba chakwizi va ko sala musala. You masil sanan ba rapport à Jekamin. Tango ba ko landelango ba silisi. Vous allez travailler. Vous allez gérer cette province. Vous allez redresser. Ça va rentrer là où il faut. Kutu tozo luka lisusu, ba luka tango ikasanji, ba kendene malemene, ba bazwa ye, ba tia ye, kuna na kasaya za laki responsabilite mongo boye, pour que, ala ki sase ki lave fe, ba koma ki wapieza nini, oditi peza ki togoti, Eza pe malamuti. Kuna na goma, bo telema, bo tika tro de plainte. Omani, kaka koko mani, attention, menen le rwande son aze, non, prenez des stratégies, c'est tout. Jamais dans mon atelier que ton commis, Mikolo, stratégie n'a rien. Toujours se plaindre. Les gens de Goma, vous êtes forts, vous n'allez pas vous plaindre. Vous avez lutté sérieusement. Vous êtes là, vous êtes encore vivant. Peaufinez vos stratégies, cessez de suivre ces gens ici, des rêveurs, des vendeurs de vent. Kaka, oh, Tomanaki, eh, Bakotaki, Buenaboy. Non, soyez vigilants, vous êtes entre vous. Nagosa, l'émission. Moko na Swahili botala na olaxa bango pe carte géographique pour le kambo et l'équipe trop ya kuswana makambo ya minembwe na benyamulenge balobi baza ba congolais bao balobi baza ba congolais te bolanda carte géographique au botala ngo malembe. Soki bomoni bango te na carte seke bazali awa te soki bazali lisolo esili nzamba pambola bino pa mama ovandi na Royaume-Uni to pe ozana ndeko na Londres pesa esango ya agence de frex ya ba professionnel ya ngoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni pe na Kinshasa tozana avenue Buburu numéro 9 Matonge 2 commune ya Kalamu Référence école Monseigneur Moke Van Ezakoya Nanda en Angleterre pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret, otindi miliki e komi pe ba meli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafrek est en Angleterre, une école. Kafrek est à la café fête aérienne. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrek.com.